Le nouveau monde. J'ai faim. C'est étrange. C'est étrange, mais j'ai faim. Je restais assis sur le rocher, levant la tête vers le grand feu. Il s'était comme hissé sur le grand plafond, lentement, et sa montée ne semblait pas s'arrêter. Il glissait sur le dôme bleu avec délicatesse. Pourquoi ? Comment ? Enfin, qui le tirait de cette façon ? Dans quel but ? Hey, Squeak, tu m'entends ? J'ai faim. Hein ? Eh ben, trouve-toi à manger. Oui, mais non, je veux pas. Mila laissait traîner son pied sur le sol comme une petite fille capricieuse. Quittant ma contemplation, je sautais du rocher. Bon, si je comprends bien, je dois aller te chercher à manger. Je veux bien. T'auras pas peur toute seule ? Non, je suis la fille du grand dirigeant, et puis... D'accord. Il y a des choses qui changeront jamais. Merci. Reste ici. Je me suis avancé entre les tiges vertes en direction de gros pylônes bruns. Hey, Squeak ! Je me suis retourné. Tu t'éloignes pas trop, quand même. Non, je risquerais de me perdre ici. Mais pour Mila comme pour moi, je n'avais pas besoin de le dire. Il y avait comme des traits de lumière qui passaient entre les grands pylônes. Des grands pylônes d'où partaient des milliers de bras tordus recouverts de fines plaques vertes. J'avançais lentement, tête levée, pour admirer la grandeur de ces édifices. Qui avait pu bâtir d'aussi hauts bâtiments ? Et renfermait-il une quelconque vie ? J'avançais pas à pas. Booz. Il aurait apprécié un tel spectacle. J'en aurais mis ma main au feu. Booz. Plus que jamais, il me manquait. C'était mon plus vieil ami. Celui sur lequel j'avais toujours pu compter. Et par ma faute, j'aurais dû être le seul à rester dans la galerie Est. Le seul à quitter Wishy. Hein ? Mila ? Mila, c'est toi ? Squeak ? Squeak ? C'est toi ? Ouh ! Il y avait eu un bruit. Non, plusieurs bruits, comme des craquements. Hey ! Des ombres, une dizaine. Elles transperçaient les raies de lumière en sautant de pylône en pylône. Puis elles disparurent. Mais là, je l'avais laissée seule. Squeak, c'est pas marrant. Allez, montre-toi. J'ai couru à en perdre haleine, le cœur battant à tout rompre, écartant les grandes tiges vertes de mes bras. Squeak, allez, c'est hyper lourd. Montre-toi, s'il te plaît. Squeak ! Mila ! Ah ! Elle parut furieuse en me voyant sortir d'entre les tiges. C'est malin de me faire peur comme ça ! Faut bouger d'ici, Mila. Il y a des choses bizarres. Je regardais tout autour de moi. Et le grand feu, il disparaissait au loin derrière les grands pylônes. La terre m'avale. Il va faire nuit. C'est la nuit. Si quelqu'un tire le grand feu pour le cacher, il va faire nuit comme quand on est sorti. Faut partir d'ici, Mila. Des rats ? Je sais pas. Les rats. Avec le grand feu, nous les avions presque oubliés. Et pourtant, ils devaient nous chercher dans le nouveau monde. Ratis devait nous chercher. Et on va où ? Aucune idée, mais on s'éloigne le plus possible du grand trou. Squeak, c'est la seule chose qui nous rattache à Wish City, au Bifwish. Je sais, je lui ai pris la main. Faut y aller. La liberté. Bye, Fouichard.